compte, c'est des comptes, on va recompter. Et combien je pèse, dis-moi qu'est-ce que t'en sais. Quand il faut payer, ben t'es dispensé. J'ai deux, trois contacts sur la ville de Nice. J'appelle à Ellie, il est à Tunis. Un fréquentat pour se mélanger. Qui demande à Stash, demande à l'MC. Oh, oh, on sort du bando. S'il te plaît, sors couvert par équipe. Viens me chercher à mon équipe. Y'a des têtes cassées derrière les vitres. Ça charcute pour des litres. Que des vaillants sur les chasses. Train dormiou, alors je m'évade à sorbiou. Je me réveille en plein soleil. Je ne sais même plus, j'ai dormi où. Remplacé dans le Porsche Caillou. Si allez, je suis dit, moi je taillou. Si je te poursuis, mets-toi devant eux. Fais l'air reculer où y'a des cailloux. On va niquer des mères, faut qu'ils le sachent. Je fume, fais des battes, je fume pas la sèche. Famille, je te gagne le cash. Toi, tu te caches des gars que j'ai. On va niquer des mères, faut qu'ils le sachent. Je fume que des battes, je fume pas la sèche. Touche ta famille, je te gagne le cash. Toi, tu te caches des gars que j'ai. On sort du bando. On sort en candy. On sort du terre-terre. On sort même de lundi. Elle me trouve sincère. Je vais lui faire sa fête. Regarde le travers. Je pense un verre dans la tête. On sort des cibous. Fais des yeux. Que des tentes, le con de ta tante. Et contre toute attente.